Alors, le livre, c'est Le bal d'Orgel de Raymond Radiguet. Ah, le bal du comte d'Orgel. Il faut être précis quand même. Au moins pour le titre. Alors, c'est un livre, un petit livre, hein, moins de 200 pages. Alors, un petit mot sur l'auteur, hein. C'est lui qui a écrit Le diable au corps. Sans doute un meilleur livre. Mais bon, il faudrait que je relise pour être sûr de mon avis subjectif. Alors, je suis peut-être influencé par le fait qu'il a écrit ce livre alors qu'il avait à peine 20 ans, et qu'il est mort d'ailleurs. Le livre a été publié après sa mort, il est mort juste après. Donc c'est déjà assez terrible d'imaginer ça. Il a une fièvre foudroyante, bon. C'est déjà quelque chose d'assez impressionnant. Et alors, sa jeunesse se sent quand même dans le livre. Alors, elle se sent au milieu d'une finesse psychologique qui est peu commune à cet âge. Donc, faut quand même souligner qu'au départ, c'est déjà, je trouve, une grande. On a l'impression qu'il a, voilà, qu'il y a une grande maturité psychologique. Et puis, par des petites touches, on sent la petite. On sent le côté un petit peu, faire le bon mot un petit peu, bon, un tout petit peu. Et puis aussi une petite supériorité, comme s'il avait besoin presque par moment d'être supérieur à ses personnages. Il a tout compris, lui, contrairement à ses personnages. Il y a un peu de ça, un tout petit peu de ça, bon, c'est pas gênant, hein, mais c'est amusant. D'ailleurs, oui, bon, peut-être un petit mot sur la construction. C'est une vision comme très habituelle, hein. C'est l'auteur est entre guillemets omniscient et donc il se permet des analyses psychologiques de ses personnages, au-delà de leur propre lucidité sur eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'il peut se permettre effectivement de d'être plus malin qu'eux. disons que voilà, c'est un peu. L'auteur est un individu, il n'est pas transparent dans cette façon d'écrire. C'est pas gênant encore une fois, mais bon, voilà, c'est noté. Alors, on a l'impression de lire un livre du 19e siècle. Hein. Moi, je. Alors, on part. Qu'est-ce que j'ai lu? Que c'était le roman modèle d'un néoclassicisme qui va marquer toute une partie de la littérature du 20e. Je veux bien, mais c'est vrai que dans néoclassicisme, il y a classicisme. Hein. Et oui, on a l'impression de voir. Alors moi, ça m'a rappelé, justement, un livre dont j'ai fait aussi le résumé, là, le livre de Benjamin Constant, Adolphe, mais en moins. En peut-être plus surprenant, un peu plus de. Je sais pas, peut-être un peu plus vivant, peut-être un peu moins. Ça coule peut-être un peu moins sereinement. Peut-être que ça surprend plus, mais par contre, c'est moins fin, c'est moins sensible, un petit peu. Bon, même si à lire ce livre, là, on est vraiment dans le roman psychologique du 19e. Pour moi, c'est vraiment une analyse fine des sentiments, alors amoureux, hein, mais bon, je ne vais pas comparer à Stendhal, peut-être, parce que je ne suis pas assez spécialiste, mais c'est vrai que. Il y a un peu de ça, quoi. C'est pour ça que je trouve que ça fait au 19e. Par contre, il se centre beaucoup sur la psychologie. On sort pas du reste. Justement, Stendhal, on creuse beaucoup plus. Et puis, il y a un décor autour un peu plus dense, un peu plus sensible. Là, non, c'est vraiment les personnages. Voilà. En gros, il y a trois personnages centraux. D'ailleurs, je vais en parler un peu maintenant, quand même. Alors, il y a. On a François de Sérieuse. Alors c'est superbe comme nom, hein. De Sérieuse, c'est un noble. Hein. Bon. Alors on est en plein là aussi, 19e, enfin, on est quand même. Ça se passe au moment de la Première Guerre mondiale, après je crois. Et on est encore. Il en parle comme si on était en pleine monarchie. Hein. C'est quand même assez amusant. Alors ok, il existe sans doute des milieux où c'est le cas. Mais enfin. On sent que ça aurait pas déplu à Radiguet d'être dans ce monde-là, hein. Enfin, je sais pas, il y a un côté un peu. Enfin, il est critique, hein, bien sûr, mondain, machin, mais bon. Voilà. Alors aussi, toujours, c'est de la passion amoureuse, hein, comme son autre livre que j'ai rappelé plus tôt. qui est le diable au corps, c'est la passion amoureuse entre un jeune et une femme un peu plus vieille. Voilà. Bon. Alors, il y a peut-être moins le problème de l'âge, là. Hein. Franchement, c'est vrai qu'il fait un peu jeuneau, mais l'âge est plutôt dans le problème du fait que François de Sérieuse, qui est le jeune homme, hein, une vingtaine d'années, il est amoureux d'une femme qui est un peu plus vieille, quelques années, mais pas beaucoup, mais elle, et surtout, elle est mariée à un homme qui a la trentaine. Le vieil homme. C'est amusant d'ailleurs, même dans le résumé à l'arrière, un petit résumé, bon, qui vaut ce qu'il vaut, hein, mais c'est écrit: Le comte d'Orgel, vieil aristocrate pour qui les règles de la vie mondaine en force de loi, accueille un jeune homme, auquel il présente son épouse, jeune elle aussi. Voilà, donc genre lui il a 30 ans, elle a 23, elle a 23 et le François là il a 20 ans, hein, donc bon le vieil aristocrate c'est la vieille aristocratie, hein, c'est mal écrit là, c'est de la vieille aristocratie, c'est pas la même chose quand même, hein, bon, enfin moi je trouve, mais bon. Alors donc le François qui tombe amoureux de Madame d'Orgel, au beau prénom de Mahaut, Mahaut. Voilà, Mao. Madame d'Orgel, oui, on doit voir Mao. Je vais vérifier quand même l'orthographe, ça me tarabuste. Je suis capable de lire tout un roman. Ouais, c'est ça. Mahaut. Et son mari, c'est un peu troublant, il s'appelle Anne. A2NE. Oui, alors c'est un peu. Voilà, c'est un peu surprenant, quand même, faut reconnaître. C'est pas gênant, mais c'est amusant. Donc Anne d'Orgel et Mao. Bon, alors je passe sur les origines des familles où il en parle un peu, il se délecte de ça un petit peu là. Il vient de Martinique, tout ça. Bon, Joséphine de Beauharnais, tout ça. Bon, bref, ça c'est la famille de Mao. Bon, on s'en fout un peu, hein. Bon, enfin lui ça l'amuse. Hein. Vraiment, on est en monarchie, hein, avec quand on lit ça, il s'est gouré de siècle un petit peu, Radiguet. Ou alors ça l'amuse de dépeindre un monde en perdition. Mais il se moque pas vraiment de la monarchie elle-même. Il se moque un peu de leurs mœurs, un petit peu désuètes, le mondain, machin. Mais c'est pas vraiment l'aristocratie parce que les mondanités, ça existe par ailleurs. Peut-être qu'il accentue quand même sur le fait qu'effectivement il y a un sentiment de classe, une grosse impression de classe. Au moins pour Anne d'Orgel, là, et puis pour les autres aussi, mais enfin les autres c'est un peu moins central, mais lui il gère, bon, ok. Donc François tombe amoureux de Mao petit à petit, ça prend tout le bouquin, hein. Enfin non, j'exagère, il commence à le comprendre au bout de la moitié à peu près. Elle aussi, mais elle veut pas se l'avouer, ça dure plus longtemps, et tout est là, quoi. C'est-à-dire qu'il tombe amoureux, il y a une finesse, une description assez fine psychologiquement, parce qu'à la base, Mao est censé. Aimer très fort son mari, et son mari est censé avoir de l'affection pour elle. Voilà, c'est tout. Bon, ça va pas loin, hein. Et François, lui, il va tomber amoureux d'elle, mais comme il aime beaucoup son mari aussi, qu'ils sont amis, ouais, c'est une amitié très dissymétrique, hein. Bon. Alors, il met un point d'honneur à garder ça pour lui, la noblesse du sentiment pour lui, etc. Bon, bref. Et de son côté, Mao ce ne veut même pas s'avouer qu'elle est amoureuse de lui, quoi. Donc c'est encore plus simple, hein. Et elle se l'avoue assez tardivement, dans le livre. Bon, là je vais parler un peu de la fin, donc faut couper si on veut pas connaître la fin, hein. C'est un peu surprenant, hein. C'est un peu surprenant. On a l'impression d'un livre tronqué un petit peu. Alors ça, c'est rare que je dise ça, mais ça manque de sexe, hein. Franchement, ça manque de sexe. Ah ouais, parce que ah, on n'est pas dans le Diable au corps. D'ailleurs, on peut y voir d'ailleurs une réaction, hein, parce que faudrait que je relise le Diable au corps. Mais enfin, comme j'ai déjà dit, mais dans le Diable au corps, c'est la passion en action. Là, non, pas en action, non, pas du tout. Alors, bon. Il y a comme un goût d'inachevé. Effectivement, ils couchent pas ensemble. Et puis il n'y a pas de tragédie non plus complètement à la fin. En gros, Madame d'Orgel, quand elle est obligée de regarder ses sentiments en face et qu'elle sait qu'elle va défaillir, alors que par ailleurs on sait que son mari l'a déjà trompée. Point. Eh bien elle tente d'abord de prévenir la mère de François, donc Madame de Sérieuse, avec qui a des contacts amicaux pour l'aider à se débarrasser de son fils. Mais la mère, elle n'est pas douée avec son fils. Elle est... Bon, bref, du coup, elle lui annonce ça un peu brutalement. Lui, il est seulement heureux de sentir que ses sentiments sont partagés. Et donc, il la retrouve. Bon, bref. Mao, quand elle sent qu'elle est vraiment au plus mal, elle avoue tout à son mari. Et son mari, il veut rester calme. Et du coup, il bronche pas. Il bronche pas, sauf que bon, il finit quand même par être touché. Il finit par être touché. Surtout quand elle lui annonce qu'elle a prévenu la mère de François pour les écarter. Et là, il devient fou parce que. Alors bon, c'est ce que veut montrer Radiguet, c'est qu'en fait, Anne d'Orgel est plus sensible au drame social, oui, enfin public, hein, dans le sens public, qu'au problème des sentiments. Parce qu'en fait, il aime pas vraiment sa femme, il s'en fout un peu qu'elle soit. D'abord, il n'y croit pas. Il est tellement sûr qu'elle est folle de lui, bon, bref, il n'y croit pas. Donc il s'en fout un peu en fait, hein, il réagit pas trop, sauf quand on lui dit que la mère de l'ami est au courant. Là, il dit qu'il faut rattraper le coup. Mais rattraper le coup, quoi. D'ailleurs, je vais reprendre la fin, quelques passages, c'est assez marrant. Alors. Ouais, là, dans ce cas, quand il commence à comprendre, il finit par dire: c'est absurde, il faut que nous cherchions un moyen de tout réparer. Voilà, déjà, cette phrase-là en dit long, quoi. Aussi, une autre phrase je crois pas que je l'ai notée, cette phrase. La phrase détonatrice, si ça existe, qui fait que Mao comprend qu'elle commence à douter de son amour pour son mari, c'est quand elle dit, un moment, à propos de leur goût commun, que elle aime la campagne et pas son mari. Bon, on voit le truc. Hein, bon. Elle dit: quel dommage, Anne, que nous n'ayons pas les mêmes goûts. Et elle a dit ça sans y penser, mais tout à coup, il lui apparaît que le dire, c'est mettre le doigt sur quelque chose qu'elle n'avait pas vraiment réalisé. Voilà. C'est intéressant, c'est imprégné d'inconscient. Voilà. Et ça, c'est dans l'air du temps, par contre. C'est peut-être le côté moderne de. Non pas que les autres n'aient jamais. Les auteurs du 19e n'aient pas eu conscience de ça, enfin, pour reprendre la conscience, mais. Mais alors, on a l'impression que Raymond Radiguet fait beaucoup allusion effectivement à la psychanalyse, à l'inconscient, au conflit intérieur qui se joue, au fait qu'elle n'est pas lucide, etc., etc. Que les mots, alors là, il est lacanien à l'avance, mais enfin bon, que les mots qu'elle prononce l'éclairent elle-même sur ce qu'elle pense, enfin, sans qu'elle ait pensé vraiment à ces mots, enfin, c'est génial ça. Et ça, je pense que c'est moderne à l'époque, effectivement, on est dans début 20e, et là, voilà, c'est le moment où tout commence à émerger. Il a écrit ça, c'est paru en 24 hein, quand même. Donc effectivement, les notions d'inconscient devaient commencer à pénétrer au moins les milieux intellectuels. Hein. Radiguet, il était ami avec Cocteau, qui était a priori fou de lui. Bon, il y aurait eu une amitié amoureuse. Alors amoureuse dans un sens, amitié dans l'autre, j'en sais rien. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Radiguet, lui, il a eu des femmes, et notamment, quand il avait 15 ans, il a séduit une femme de 23 en lui disant qu'il avait 19. Et je pense que ça l'a beaucoup inspiré pour ses deux romans. Hein. Ça, c'est sûr que ça a dû jouer. Ça a dû jouer. Voilà. Et alors, c'est assez amusant quand même. Je lis de toute fin du roman, donc surtout à ne pas lire. Parce qu'on a l'impression qu'il va se passer quelque chose jusqu'au bout, hein. Et puis finalement, il se passe pas grand-chose. Parce que. Voilà, quand il dit, bon, qu'il dit qu'il faut tout réparer, ensuite, je continue à lire. Il y avait entre ces deux êtres une grande distance. Elle rendait impossible à Mao de saisir le mécanisme qui amenait cette douceur, la douceur d'Anne, Anne qui cherche à réparer des trucs. Elle se coucha doucement sur son oreiller, comme dans ses rêves, qui se terminent par une chute. Ces sortes de chutes réveillent. Elle se réveilla, se redressa, elle regardait son mari, mais le comte d'Orgel ne vit pas qu'il avait devant lui une autre personne. Mao regardait Anne, assise dans un autre monde. De sa planète, le comte, lui, n'avait rien vu de la transformation qui s'était produite, et qu'au lieu de s'adresser à une frénétique, il parlait maintenant à une statue. Ça, c'est quand même intéressant aussi. Il y a ce côté, j'avais pas, en lisant la première fois, j'avais moins réalisé, mais il y a un côté, c'est la mort de Mao qui se réveille Enfin, elle se réveille, c'est une mort vivante, quoi. C'est-à-dire que quand elle comprend que tout s'effondre, que son mari peut même pas gérer le fait qu'elle essaye d'être fidèle, essaye de continuer à l'aimer, il sait même pas le gérer parce qu'il s'en fout un peu, là ça s'effondre un peu. Donc sa raison d'être profonde s'effondre un peu. Et donc c'est une bonne raison de mourir, d'une certaine manière. Et elle se réveille, mais bon, alors c'est plus la même. Alors là, il continue. Allons, Mao, calmons-nous. Donc là, il n'a pas compris, elle était déjà calme, trop calme. Nous ne vivons pas ici dans les îles, parce qu'elle vient des îles, hein, comme j'ai dit, de Martinique. Le mal est fait, réparons-le. Voilà, le mal est fait, uniquement le mal public, hein. C'est affreux. François viendra au bal, parce qu'il y a un bal est prévu. Et peut-être serait-il bon que Madame de Sérieuse vînt aussi. Donc François viendra au bal. Il a l'impression qu'il n'a rien écouté à ce qu'a dit sa femme. Rien écouté. Il veut sauver des apparences et régler le scandale possible. Puis l'embrassant sur les cheveux et prenant congé d'elle, François doit faire partie de notre entrée. Vous lui choisirez un costume. Le doigt est en italique. Debout dans le chambranle de la porte, Anne était beau. N'accomplissait-il pas un devoir d'une frivolité grandiose lorsque, sortant à reculons, il employa sans se rendre compte, avec un signe de tête royal, la phrase des hypnotiseurs. Et maintenant, Mao, dormez, je le veux. Alors là, c'est amusant parce que là, j'en parlais tout à l'heure, mais là, on est en plein dans le modernisme de l'époque. Alors certes, l'hypnose, c'est pas nouveau. Mais enfin, c'est quand même ce qu'a appris Freud auprès de Charcot quelques décennies plus tôt. Pas longtemps avant, hein, 20, je sais pas, oui, 30 ans à peu près. Donc bon. C'est intéressant là, vraiment on est dans le. Là il est moderne hein, quand même, là il est dans son temps, même si aujourd'hui nous on peut avoir l'impression que tout se tasse, mais enfin quand même, ça c'est assez intéressant. Voilà. Alors j'ai noté quelques petites citations, donc j'en ai pas très peu, j'en ai très peu là quand même, même s'il y a de bons passages, bon on n'est pas dans Céline, hein, on n'a pas un chef-d'œuvre toutes les deux phrases. Alors, j'y vais. Alors, premier passage. Ainsi, Paul, c'est l'ami de Françoise. François. Sérieuse, Françoise, bon, bref. Ainsi, Paul n'employait jamais un lieu commun sans le corser d'un petit rire ou le précéder d'une respiration. Il prouvait par là qu'il n'était pas crédule. Ne pas vouloir être dupe, c'était la maladie de Paul Robin. C'est la maladie du siècle. Alors, ça, j'aime bien. Elle peut parfois pousser jusqu'à duper les autres. Ça, c'est pas mal. Parce que ça, si on applique ça à la violence, ne pas vouloir être dupe, c'est ne pas vouloir subir la violence des autres. Et pour cela, on doit parfois duper les autres, donc être violent avec eux. Bon, bref. Vous n'y voyez aucune ressemblance avec la politique étrangère des États-Unis ou la self-défense. Enfin bref. Tout organe se développe ou s'atrophie en raison de son activité. À force de se méfier de son cœur, il n'en possédait plus beaucoup. Il croyait s'aguerrir, se bronzer, il se détruisait. Se trompant complètement sur le but à atteindre, ce suicide lent était ce qu'il goûtait le plus en lui-même. Il croyait que ce serait mieux vivre. Mais on n'a encore trouvé qu'un seul moyen d'empêcher son cœur de battre, c'est la mort. Là, voilà, on sent l'auteur qui est vraiment. On n'a encore trouvé qu'un seul moyen d'arrêter son cœur de battre, c'est la mort. Là, c'est voilà, là, il parle. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est vraiment, c'est beau, hein. Moi, je trouve ça beau. Alors, une petite citation, ouais, toute courte. François était heureux. Ah oui, c'est vraiment. François était heureux, comme on ne peut l'être qu'à cet âge, sans rien posséder. Voilà. Bon, je crois pas qu'il y ait qu'à cet âge qu'on puisse être heureux sans rien posséder. Mais c'est une vision romantique. Bon, voilà. Et puis, bon, Radiguet est mort jeune. Alors, pour le reste, il sait pas. C'est bon, c'est moi qui dis ça, mais enfin, ça n'engage que moi, mais c'est vrai que. Ensuite. Mao allongeait le pas, comme font dans la rue les femmes sur qui des hommes se méprennent en leur chuchotant des choses qu'elles ne sauraient entendre. Elle, c'était des souvenirs qui la sollicitaient. Là aussi, on est vraiment dans la psychologisation, elle est rattrapée par ses souvenirs. Donc, hein, là aussi, c'est très moderne, ça. Enfin, à la fois, ça n'est pas tant que ça. Bon, être rattrapée par ses souvenirs, il n'y a rien de psychanalytique là-dedans. Mais enfin, quand même, il y a une sensibilité particulière. Surtout que c'est ça, c'est quelqu'un en elle. Ses souvenirs, c'est comme les hommes qui la dérangent, c'est pas rien, quoi. C'est pas un souvenir qui revient, oh là là. Non, non, c'est carrément le souvenir, il est dangereux, comme ces hommes qui font des avances non souhaitées. Bon, c'est pas rien, c'est pas rien. Alors, dernière citation. Ils étaient déjà en Allemagne quand Madame d'Orgel écrivit à François que les circonstances les empêchaient de se rendre en Italie. François avait eu le temps d'envisager cette hypothèse. Son chagrin fut moins vif que le plaisir qu'il s'était promis du voyage. Qu'il en avait même tiré avant la lettre. Voilà, c'est un petit détail, mais ça m'a renvoyé tellement à ce que j'ai déjà ressenti. On se fait une fête de quelque chose, parfois. On se fait une fête pendant des jours et des jours, une belle perspective. Quand ça arrive, hop, annulation de dernière minute. Et parfois, on a beau avoir souhaité la chose pendant longtemps, c'est pas douloureux, parce que... Ouais, c'est comme si le plaisir avait été dans l'attente, hein. Et donc, c'était pas si grave. Et puis, comme s'il y avait de la lucidité aussi sur le fait que tout ce qu'on avait à en tirer, c'était déjà tiré. Je sais pas. Il y a un peu de ça. Peut-être qu'il faudrait demander à c'est quoi, Alexandre Jardin, dans Fanfan, encore réfléchir sur l'attente qui est meilleure que l'acte. Hein. C'est Clémenceau aussi, hein, je crois, qu'il disait qu'en amour, le meilleur moment, c'était monter l'escalier. Alors, l'histoire ne dit pas s'il était derrière ou devant la femme dans l'escalier. Bon, bref, en tout cas, c'est même s'il est derrière, ça reste assez platonique quand même, normalement, la montée d'escalier. Enfin, voilà, je trouvais ça amusant. C'est bien d'oser le dire, quoi, de temps en temps, que l'attente est meilleure, quoi, que le... Alors, c'est bien, voilà. Bon, donc, finalement, donc c'est un chouette livre, hein, un livre très sensible, très... Bon, moi je préfère, dans le genre petit livre, subtil et psychologique, ça vaut pas du tout Mauriac, hein. Enfin, c'est pas le même âge. Là, faut quand même garder en tête qu'il a 20 ans. Et c'est miraculeux, hein. Si j'ai bien compris, vers assez jeune, vers 12-13 ans, je crois qu'il a quasiment abandonné l'école parce qu'il en avait marre. Et il a lu tous les classiques, voilà. Bon, je crois qu'on gagne du temps comme ça. Je pense qu'on peut pas devenir écrivain de cette trempe-là, voilà, à cet âge-là, sans avoir d'abord digéré beaucoup, beaucoup de choses. Et manifestement, c'est son cas. Voilà. Donc, Raymond Radiguet, le bal du comte d'Orgel. Il faudrait que je relise l'autre, parce que, comme j'ai dit, j'avais envie d'un peu de sexe, quand même, entre eux. Je me demande bien comment Mao, elle fait l'amour, quoi. Enfin... elle qui met des mois à comprendre qu'elle est amoureuse, bon, on se demande comment elle peut se lâcher avec un homme. Voilà, bon, je crois que je dépasse largement le cadre d'un résumé de livre, mais voilà, c'est tout. J'avais envie de le dire quand même. Voilà, donc un bon petit livre, un très bon petit livre.